Mon flingue sur le tigo et je suis perché. Ça détruit dans le game, je suis le berger. Tu es dehors et y'a personne pour t'héberger. Dieu merci, je suis encore vivant et j'ai perché. On est venu faire des bouteilles, j'ai fait les empas. J'ai pris joué à FIFA quand je descends pas. J'ai rien fêté quand j'ai dépassé les 100k. J'ai connu la galère, je traînais trop en bas. J'ai mis la béquille latérale, j'ai regardé la vue. Quand les malheurs arrivent, faut dire que j'ai la vie. Fais gaffe, mon frangin, il s'est épais quand il a bu. Tu vois plus, il peut mettre droite la Kawasaki. Je fais des tours, même solo. Je prends le soleil, là, je suis sous l'eau. Les claquettes, t'es au clé. Devant le bloc, là, tu sais, ça y a dit, te fait des gris-gris. Elle fait tes poils, j'ai mon bébé, elle fait le midi. Sur un save de côté, sur côté, un Lamborghini. Elle veut un mec, elle le midi. Elle en a marre de la mini. Elle veut la même que la partie sur son côté, sur le côté. Moi, j'ai été le même, je veux pas changer. Toujours donner un peu à ceux qui m'ont dit. Partir avec maman à l'étranger. Mon équipe c'est les rois avec qui j'ai grandi. J'ai toujours le sourire quand je croise des fans. À la mi-fête, mes rêves je les étonne. Dis-moi, hésite pas, le morceau est fan. J'ai ma femme, l'air diesel, mon cœur je donne. C'est bizarre ici quand c'est trop beau. Vieux mec, stage qui t'habille. Dans le game, non, y'a pas de cadeau. Le chemin est long, moi je marche comme l'arbitre. Mon pote tout seul, c'est. Les bleus savent c'est qui je. C'est chacun son secteur. C'est chacun son compte bancaire. Ah ouais, ouais, nia. 6, 9, 2, 100, 1, 3. Non, t'es pas mon rouille. Toi, rien que tu parles sur moi. Ta gadi te fait des gris-gris. Elle fait tes plages, j'ai mon bébé, elle fait le midi. Sur un save de côté, sur côté, un Lamborghini. Elle veut un mec, elle le midi. Elle en a marre de la midi. Elle veut la mer que la partie sur le côté, sur le côté. En mode la tour, le petit ravita et la mentale et le monde, big up, m'inquiète la pyramide. Tu te croyais loin des rêves, tu t'es fait baiser par ton pyramide. Et demande à l'allemand, gros popo dans l'allemande. Toi tu fais trop le mec, ça veut te mettre à l'amende. Là c'est Marseille, là c'est Lyon. Temple en studio, ça veut péter le million, ça faire passer des kilos. Ça s'inquiète à la Clio, armé comme Mario. Capuché dans le barrio, veste qui me salit. Mon bébé, elle veut le midi. Sur Insta, elle veut être côté, sur côté, en Lamborghini. Elle veut un mec, elle le midi. Elle en a marre de la mini. Elle veut la mer qu'on la porte sur le côté, sur le côté. Ta gadi te fait des gris-gris. Elle fait tes plages, mon bébé, elle veut le